Chapitre 3e. Le vieux chevalier partit le lendemain pour le Périgord. Son fils resta secrètement à Paris jusqu'à ce que Mademoiselle le Couvreur eût reçu la réponse qu'elle attendait du comte de Saxe, et le plus sévère incognito le mettait à l'abri de toutes les recherches. Sa protectrice le voulait ainsi. Elle avait annoncé dans le monde qu'il avait quitté Paris en même temps que son père, et d'Argental seul était dans la confidence. D'Argental servait d'intermédiaire entre l'actrice et Raucourt, et il venait parfois le visiter dans un petit logement d'une des rues inconnues de la cité, où il y a tant de rues inconnues. Enfin, un jour, il annonça à Raucourt que le lendemain, il lui fallait être prêt à partir. Mademoiselle le Couvreur, qui savait son hôtel entouré d'espions, écrivait pour lui faire ses adieux et lui donnait tous les renseignements nécessaires sur son voyage. Les derniers arrangements faits, D'Argental embrassa cordialement son jeune ami et Raucourt commença ses préparatifs. Le soir, fatigué de sa longue solitude, il voulut, malgré tant de recommandations pressantes, revoir encore une fois cette grande ville qu'il allait quitter pour longtemps. Il prit un frac, une épée, et se couvrit d'un large manteau. Il lui semblait impossible qu'on pût le reconnaître. On le reconnut pourtant. Il s'était engagé dans cet inextricable labyrinthe de maisons qui avoisine le parvis Notre-Dame. Quoiqu'il ne fût guère que 8 heures, au commencement de l'arrière-saison, tout le voisinage était complètement désert. Le silence qui régnait autour du promeneur lui permit donc d'entendre distinctement les pas de 2 hommes qui semblaient le suivre. Il ne s'effraya pas d'abord et prit le côté droit de la rue pour leur laisser libre passage. Les 2 inconnus prirent le côté droit. L'abbé doubla le pas. Il sentit qu'on doublait le pas aussi. Sûr alors que c'était à lui qu'on en voulait, il s'arrêta et allait tirer son épée lorsqu'il se trouva tout à coup face à face avec 2 autres inconnus qui se tenaient debout et immobiles de chaque côté de la rue. Il fut cerné et saisi avant même d'avoir pu se mettre en défense. On le bâillonna et on lui attacha solidement avec des cordes les pieds et les mains sans qu'il eût pu pousser un cri. Le pauvre jeune homme faisait des efforts désespérés pour se débattre et les 4 assassins avaient peine à le tenir. Un des hommes dit tout bas à celui qui semblait les commander. « Qu'en ferons-nous ? » « À la Seine, » répondit le chef, « c'est le plus court. » Ils prirent le prisonnier et le portèrent enveloppé dans un manteau du côté de la rivière. Pendant le trajet, ils furent rencontrés par 2 ouvriers charpentiers qui rentraient au logis avec leur hache et leurs outils sur l'épaule. Étonnés de voir cette masse de forme longue que portaient mystérieusement des hommes à tournure suspecte, ils s'arrêtèrent. « Que portez-vous ? » demandèrent-ils. « Un camarade qui a trop bu, » répondit le chef des assassins en faisant doubler le pas à ses gens. Les ouvriers n'insistèrent pas et allaient continuer leur marche quand un mouvement brusque dérangea un peu le bâillon du patient qui poussa un cri effrayant. Les ouvriers revinrent sur leurs pas. « Qu'a-t-il donc, votre ivrogne ? » reprit l'un d'eux. Un des porteurs avait posé la main sur la bouche de sa victime, mais il la retira tout ensanglantée. « Au secours ! On veut m'assassiner !» s'écria Raucourt de toute la force de sa voix. En ce moment même, le manteau tomba, et les ouvriers virent les cordes et le bâillon. Ils levèrent leur hache. Les assassins effrayés laissèrent aller Raucourt lourdement sur le pavé et s'enfuirent à toutes jambes. Tandis que les 2 ouvriers les poursuivaient, l'un d'eux se cacha dans l'ombre et resta un moment auprès du malheureux jeune homme. Quand les 2 ouvriers revinrent, ils le trouvèrent le cœur percé de plusieurs coups de poignard. Voici comment Mademoiselle Haïssé raconte dans sa correspondance les suites de cette histoire. Depuis cela, la Lecouvreur a été sur ses gardes. Quelque temps après, elle se trouva mal au milieu d'une pièce que l'on ne put achever. La pauvre créature s'en alla chez elle. 4 jours après, à 1 heure après-midi, elle mourut dans d'affreuses convulsions dont on n'a jamais pu que soupçonner la cause. Ainsi s'achève une rivalité de femmes en 1726, par Élie Berthet.